29e chapitre. Retour à Mézarnoux. C'était en effet la fontenelle et Marie le chevoir qui arrivaient ainsi pendant l'orage à Mézarnoux. Comme il l'avait annoncé à son frère, le capitaine avait quitté Douarnenez et s'était rendu à Saint-Malo pour épouser la jeune héritière. Le mariage avait eu lieu 8 jours après son arrivée et cette union avait été bénie par un prêtre attaché au couvent des Ursulines. Bien que Marie n'eût pas revu la fontenelle depuis longtemps, cependant elle n'avait pu oublier les étranges histoires qu'elle avait entendues raconter sur son compte, ni la nuit où il l'avait arrachée des bras de Marguerite. Quant aux actes de la vie de son cousin qui s'étaient passés après son enlèvement, elle n'en avait point eu connaissance. La fontenelle, en partant de Saint-Malo pour retourner à l'île Tristan, avait défendu à l'abbesse de ne jamais parler à Marie de ses faits de guerre passés ou futurs. Il avait aussi fait croire à celle-ci que ce n'était que d'après les ordres de son père et de sa mère qu'il l'avait conduite au couvent, qu'il avait demandé et obtenu sa main, qu'enfin il reviendrait l'épouser quand elle aurait terminé son éducation et atteint sa 15e année. Il avait eu soin de recommander à mademoiselle de Romard d'intercepter les lettres venant de Mézarnoux et d'empêcher qu'elles n'arrivassent jusqu'à sa cousine. Il avait ajouté que quant à cette dernière, elle était libre d'écrire, mais à la condition expresse que toutes ses lettres seraient saisies et anéanties immédiatement. La fontenelle, s'étant aperçue que mademoiselle de Romard, vivement contrariée, se disposait à lui faire des représentations, l'avait enveloppée d'un de ces regards sinistres qui font frissonner et lui avait déclaré que si elle refusait de lui obéir, les plus grands malheurs ne manqueraient pas de fondre sur la communauté qu'elle dirigeait. L'abbesse, désolée de la responsabilité qui pesait sur elle, aurait voulu prétexter que les règlements de son ordre lui défendaient de recueillir une jeune fille sans le consentement par écrit de ses parents, mais elle n'osa répliquer. Elle craignait d'ailleurs, par ce refus, de s'attirer l'inimitié de son frère, le sieur de Romard. Elle promit donc de se conformer aux ordres qui lui étaient donnés, et comme on l'a vu, elle tint religieusement ses promesses. L'héritière ne fut donc pas aussi surprise qu'on a pu s'y attendre, lorsqu'au bout de 3 ans, elle vit arriver le capitaine aux Ursulines. Peu à peu, elle oublia son passé, et ne vit en lui que son cousin, l'un des plus beaux gentilshommes qu'elle eût jamais rencontré dans sa vie. Aussi n'hésita-t-elle pas à lui donner sa main et à le suivre à l'hôtel. Guy Hédère, habile comme il l'était, sut environner Marie de tant de soins et d'égards que bientôt celle-ci l'aima passionnément. 2 jours après leur mariage, les époux étaient partis de Saint-Malo sur un navire qui allait à Morlaix. Leur voyage s'effectua heureusement. Ils ne séjournèrent qu'un seul jour dans cette dernière ville et en partirent le lendemain dans l'intention de venir coucher à Mézarnoux. C'est ainsi que, montés sur de bons chevaux et escortés de 2 valets, ils s'étaient mis en route quand l'orage vint les surprendre à 1 lieue de leur destination. Si l'effroi de Marguerite en apercevant la fontenelle fut terrible, l'émotion que ressentit Mézarnoux à la vue du ravisseur de Marie fut peut-être aussi forte, quoique d'une autre nature. Soudain, sa pensée se reporta sur l'affront que lui avait fait son parent. Un moment, il resta comme immobile et comme anéanti par la colère. Son visage pâlit et se couvrit d'une sueur froide. Mais bientôt, faisant un effort sur lui-même, il reprit tout son sang-froid et parvint à maîtriser sa fureur. Ses regards se portèrent alors sur sa femme qui, glacée d'épouvante, venait de reconnaître la fontenelle. Que devint-il lorsque, dans la dame qui suivait celui-ci, il reconnut Marie, qu'il la vit s'élancer dans les bras de sa mère et la couvrir de baisers? La frayeur qu'avait éprouvée Madame de Mézarnoux sembla disparaître instantanément avec les embrassements de sa fille. Elle ne vit plus rien. La fontenelle même semblait avoir disparu. Elle n'avait plus Dieu que pour son enfant chéri, dont pendant 3 ans elle avait été privée. Guy Hédère, sans paraître aucunement ému, profita de ce moment pour se débarrasser de son manteau tout ruisselant de pluie qu'il jeta à ses valets. Puis, après leur avoir fait signe de se retirer, il suivit Mézarnoux dans la salle où venait d'entrer Marie. Celle-ci, assise sur les genoux de sa mère, continuait à lui prodiguer les plus vives caresses. Madame de Mézarnoux fondait en larmes. Jamais encore elle n'avait ressenti un aussi grand bonheur. En cet instant, Marguerite, toujours évanouie, fut enlevée par les domestiques et transportée dans sa chambre. Quand la porte de la salle du rez-de-chaussée fut fermée, Mézarnoux, malgré tous ses efforts pour paraître calme, sentit la colère lui revenir au cœur et, s'avançant vers la fontenelle, les lèvres serrées et les yeux flamboyants, il s'écria « Pendant que Madame de Mézarnoux et sa fille causent ensemble, Monsieur de la Fontenelle voudrait-il bien m'accorder un entretien particulier ?»« Je suis désolé, monsieur, » répondit Guéder avec un étrange sourire, « d'être forcé de vous le refuser pour le moment. Plus tard, soyez-en sûr, je m'empresserai de me mettre entièrement à vos ordres. Quant à présent, il me semble que c'est à moi qu'il appartient d'expliquer ma brusque arrivée chez vous. » En parlant ainsi, il se mit à raconter en détail son séjour à Saint-Malo, son mariage et les événements qu'il avait suivis. Puis, en terminant ce récit, il ajouta en s'adressant à Madame de Mézarnoux : « Les vêtements de Marie sont tellement traversés par la pluie et elle est si lasse de son voyage que je vous prie, madame, de permettre qu'à l'instant même je la conduise jusqu'à sa chambre. Lorsqu'elle aura changé d'habit, elle viendra nous rejoindre. Pendant ce temps, j'aurai l'honneur de vous entretenir de plusieurs affaires importantes. » L'héritière, après avoir été embrassée sa mère et son beau-père, essaya encore de demeurer avec eux quelques minutes, mais sur la prière de son mari, elle sortit aussitôt avec lui de la salle. En agissant ainsi, la fontenelle avait un but. Il désirait empêcher sa femme d'assister à la scène violente qui menaçait d'éclater, car depuis son arrivée, il voyait le feu de la colère briller dans les yeux de son hôte. Il avait donc résolu, quand Marie serait montée à sa chambre, de l'obliger immédiatement à se coucher, puis de descendre seule, essayer de faire tête à l'orage. Il voulait en un mot qu'elle ignorât les atrocités de sa vie, et il appréhendait de ne pouvoir se maîtriser en sa présence si Mézarnoux venait à le provoquer et à l'accabler d'injures. Madame de Mézarnoux fit porter sur le champ des rafraîchissements à sa fille. La fontenelle n'eut pas de peine à faire coucher Marie. Aussitôt qu'elle fut au lit, il lui dit qu'il allait descendre pour aller souhaiter le bonsoir au maître du château et qu'il remonterait ensuite près d'elle. Lorsque le capitaine rentra dans la salle, monsieur et madame de Mézarnoux paraissaient extrêmement agités et il était facile de voir que chez le chacun, cette agitation n'était causée que par la fureur qui grondait en son âme. Bien certainement, si jusqu'ici il était parvenu à se contenir, il ne l'avait fait que parce qu'il avait craint d'effrayer sa femme et sa belle-fille. Quant à madame de Mézarnoux, elle avait été si saisie de l'arrivée soudaine de Marie qu'elle avait peine à croire à la réalité des événements de cette soirée. Et puis aussi, elle tremblait pour la sûreté de son mari et pour le bonheur de son enfant, qui allait être encore arraché de ses bras et forcé de suivre la fontenelle. Cependant, son inquiétude disparaissait quand elle regardait le noble visage de son gendre et ses allures de vrai gentilhomme, car alors elle ne pouvait croire que ce beau cavalier fut bien l'exterminateur des communes et le fléau de la Cornouaille.